Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin le troisième chapitre de Colossiens. Nous allons passer du côté théorique vers le côté pratique, comme c'est la coutume chez Paul dans la majorité de ses épîtres. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, les quelques versets que nous allons lire ce matin sont merveilleux, sont grandioses, premièrement pour toi, pour ton Fils et pour nous. Parce que par ta grâce et par ta puissance, par ta souveraineté, tu as voulu, tu as désiré que nous soyons un avec vous. Et cela a eu un impact majeur sur notre vie. Et cela a changé notre vie, comme nous allons voir ce matin. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à saisir ces grandes vérités. Et je crois que plus que nous allons les saisir, nous allons les comprendre, plus qu'ils vont automatiquement changer notre vie. Conduis-nous par ton Esprit Saint, afin qu'on puisse bien te servir, bien te faire connaître aux ceux qui nous entourent. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans le premier chapitre, Paul s'est efforcé de démontrer la suprématie de Jésus sur toute chose créée, visible ou invisible. Donc, automatiquement, autant sur les êtres humains et autant sur les anges, les démons, autant sur la création. Souvent, aujourd'hui, on parle comme la création, c'est notre mère, mère nature. On est des descendants, le résultat d'un Big Bang. Nous sommes le résultat d'explosion. Donc, on est inférieur parce qu'on vient de cette nature-là. Mais Paul démontre que nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été créés par lui et pour lui. Ensuite, il dit au chapitre 2, faites attention de ne pas être séduit, de ne pas être entraîné, éloigné de la vérité. Faites attention. Faites attention à ces philosophies, à ces doctrines d'hommes, à ces rudiments humains. Faites attention. Attention de ne pas vous laisser entraîner loin de celui avec qui vous vous êtes identifié. Et ce matin, il va nous emmener dans les effets, le résultat de cela. Quel impact ça a eu sur nous? Le fait qu'on est devenu ses disciples, ses élèves, ses enfants, ses brebis. Et nous allons prendre le temps de lire chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, premièrement, ce texte, nous voyons ce qu'il nous dit par rapport à Jésus-Christ. Okay? Voyons ce qu'il nous dit par rapport à Jésus. Il nous dit que Jésus est en haut, assis à la droite de Dieu. Donc, ce n'est pas des autorités, ce n'est pas des anges, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas les saints, ce n'est pas la Vierge Marie qui est assis à la droite de Dieu. Position privilégiée, position d'égalité avec Dieu, assis à la droite de Dieu. Il dit que vous, Jésus est là. Et c'est avec lui et en lui. C'est lui, notre maître, notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, notre Sauveur. Donc, ça nous dit ceci. Et ça nous dit au verset 4, je dis, qu'un jour il va paraître, qu'il va revenir, qu'il va apparaître, qu'il va revenir dans le monde. Et on sait qu'il va revenir, et il va revenir dans la gloire. Et c'est lui qui va gérer, je peux dire, qui va dominer sur le monde à venir. Donc ça, ça nous dit ça par rapport à Jésus. Maintenant, il va nous dire le fait que nous, on est avec lui. Il dit au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ. » Vous savez, il dit « Si vous êtes ressuscité. » Mais ça implique quelque chose. On ne peut pas être ressuscité si on n'est pas mort. N'est-ce pas? Il serait idiot de penser qu'on va ressusciter quelqu'un ou quelqu'un a été ressuscité et que cette personne-là n'a pas goûté la mort. Et c'est ce qu'il a dit au verset 3. « Car vous êtes mort. » Pourtant, il parle bien des vivants. Comme moi, je parle ce matin, comme vous parlez ce matin. Et nous, on peut s'identifier. Il dit, « François, tu es mort. Et tu es ressuscité. » Avec Christ. Comment ça s'est fait, ça? J'aimerais que si vous avez vos Bibles, si vous voulez, je vais le lire au chapitre 2, verset 12. Ça va nous dire comment ça s'est fait, ça, cette affaire-là. Au verset 12 du chapitre 2, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Comment est-ce que je suis mort et ressuscité? C'est par le baptême. Par le baptême, j'ai devenu un avec lui. Par le baptême, j'ai été enseveli. Par le baptême, je suis mort avec lui. Par le baptême, je suis ressuscité avec lui. Donc, le fait de descendre dans l'eau, ça m'ensevelit. Et si j'étais enseveli, c'est parce qu'on est mort, j'espère, parce que ceux qui ne sont pas morts et qui sont ensevelis doivent paniquer. Mais il dit, tu étais enseveli parce que tu étais mort. Et après avoir été enseveli, tu es sorti de l'eau, tu es ressuscité à une nouvelle vie. C'est ce que Pierre avait dit dans Acte 2. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Donc ici, il ne nous parle pas du baptême du Saint-Esprit. Il parle du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, faites attention de ne pas minimiser le baptême et de l'envoyer plus loin. Moi, c'est une chose que je regrette. J'ai été baptisé 2 ans après ma profession de foi. 2 ans après avoir cru à la puissance de Dieu. À cause de toutes sortes de choses humaines, toutes sortes de principes d'Église, toutes sortes de traditions humaines. On a éloigné mon baptême. L'Église était responsable en partie, et j'étais responsable en partie. Ça a pris 2 ans. On a séparé la foi de mon acte de foi. Et je crois que les deux vont ensemble. Devraient être ensemble. Prenons le temps d'emmener les gens au Seigneur comme il faut et emmenons-les au Seigneur. Demandons-leur, veux-tu être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Demandons-leur pas juste, veux-tu croire? Pourquoi on ne leur demanderait pas comme il faisait des Actes des Apôtres? Veux-tu être baptisé? Et devenir une même plante? Veux-tu mourir avec Christ? Veux-tu être enseveli avec lui? Veux-tu être ressuscité avec lui? Et c'est par le baptême que cela se passe. Donc il dit au verset chapitre 3, verset 1, si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes mort et ressuscité avec Christ, voici qu'est-ce que ça fait, voici qu'est-ce que ça va produire en vous. Voici les résultats. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi je vais chercher les choses d'en haut? Pourquoi je t'ai encouragé à chercher les choses d'en haut? Parce que je suis uni avec quelqu'un qui est en haut. Si Christ est en haut, dans un monde spirituel, il n'est plus sur la terre, il n'est plus dans un monde physique et terrestre. Il est dans les cieux, assis à la droite de Dieu. Paul nous dit, dans chapitre 2 d'Éphésiens, que nous sommes en Christ assis à la droite de Dieu aussi. Donc, il dit, vous êtes en haut. Donc, cherchez les choses d'en haut. Il dit au verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non aux celles sur la terre. Et je crois qu'il dit, laissez-vous diriger, laissez-vous conduire par les choses d'en haut, par les choses qui sont spirituelles. Ne vous laissez pas conduire par les philosophes de ce monde. Ne vous laissez pas conduire par les traditions humaines de ce monde. Ne vous laissez pas conduire par les philosophies de ce monde, par les rudiments de ce monde. Cherchez les choses qui viennent d'en haut. Laissez-vous conduire, laissez-vous attacher par les choses qui viennent de Christ, qui est assis à la droite de Dieu. Et vous êtes en lui, assis à la droite de Dieu. C'est normal. Si je suis en Christ et que Christ est assis à la droite de Dieu, c'est normal que je cherche là. C'est normal que je m'attache à cela. Parce que je suis devenu un avec lui. Verset 3 dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes mort. Spirituellement, vous êtes passé par la mort. Donc, mais on n'est plus mort. On est revenu à la vie. On est ressuscité. Et maintenant, la vie que j'ai, c'est la vie de Dieu. C'est la vie divine qui est en moi. Je ne suis pas divin, mais c'est cette vie qui sort de Dieu, parce que cette vie, je l'avais perdue par le péché. Christ ayant enlevé mes péchés, Christ ayant payé pour mes péchés, maintenant, il me donne de sa vie, cette vie que j'ai besoin, cette vie qui sort de Dieu, cette vie qui vient de Dieu. Jésus a dit, je suis la vie. Et c'est lui qui a créé toute chose, c'est lui qui a donné la vie. C'est en lui que nous subsistons, nous avons vu ça au chapitre 2, nous subsistons en lui, chapitre 1, excusez. Donc la vie qui est spirituelle, que j'ai maintenant, vient de Dieu. Je suis connecté à la vie qui est Christ. Je suis avec Christ et je suis en Dieu. Nous faisons un avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes Dieu. Non, non, non. Mais nous faisons un avec lui. Donc, lui est dans le monde spirituel. Christ est dans le monde spirituel. Et moi, je dois vivre sur la terre connecté à ce monde spirituel-là. Me laissant conduire par ce monde spirituel-là. Me laissant diriger par ce monde spirituel-là. On ne s'arrête pas souvent assez, mes frères et sœurs, pour réaliser toute la grandeur de ce petit mot de deux lettres, « en ». Nous sommes en Christ. Paul, il dit, il amène à différentes illustrations, « nous sommes une plante avec lui ». Jésus a dit, je suis le sceptre, vous êtes les serments. Ailleurs, c'est marqué que nous sommes, qui est la tête et nous sommes le corps. Ailleurs, il dit, nous sommes un édifice dont il est la pierre de l'angle et nous sommes les pierres par-dessus. Il est le berger, nous sommes ses brebis. Nous faisons un avec lui. Il est impossible d'être séparé de lui maintenant. Même le péché, même la mort physique, ne va pas nous séparer de lui. Nous sommes un avec lui, nous sommes en lui, pour toujours, Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous faire perdre notre position. Rien ne peut nous faire perdre notre communion avec Dieu. Faites attention quand on vous dit que vous avez perdu, vous avez coupé votre communion, vous n'êtes plus en règle avec Dieu. Faites attention quand on vous dit que maintenant vous n'êtes plus avec Christ parce que vous avez des péchés dans votre vie. Non, frères et sœurs. Méfiez-vous. N'écoutez pas cela. Vous êtes en Christ. Et vous n'êtes pas en Christ par l'obéissance au commandement. Vous êtes en Christ. Et à cause que vous êtes en Christ, on va voir demain, vous désirez comme moi faire les commandements de Dieu. Vous voulez marcher avec lui. Vous êtes avec lui. Rien ne va pouvoir vous faire déchoir de la position que vous êtes maintenant assis à sa droite en Christ. Christ est votre vie. Il n'est pas dans ma vie. Je me souviens un jour, je témoignais à un chiro, et ça faisait quelque temps qu'on jasait ensemble et qu'on parlait, et... Un jour, il est venu, parce qu'on devait faire un petit cours, il dit, « François, je viens te dire qu'on va arrêter les cours. Je ne peux pas aller dans cette direction-là où tu vas. » J'ai dit, « Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux arrêter? Qu'est-ce que tu as compris cette semaine? » Et j'ai compris une chose. Christ est dans ma vie, mais pour toi, Christ, c'est ta vie. Et ça, je ne peux pas. Je suis bien prêt à avoir Christ dans ma vie, mais je ne veux pas que Christ soit ma vie. Et c'est ce que Paul dit ici. Car Christ est votre vie. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai une nouvelle vie en moi. C'est la vie de Christ. Au verset 4, il dit, « Quand Christ, votre vie paraîtra, quand il va revenir, parce qu'il a dit qu'il reviendrait, les anges ont dit qu'il reviendrait quand à l'ascension. Il a promis, les apôtres l'ont dit, l'Apocalypse n'en parle, il va revenir un jour, Jésus-Christ. Il va venir chercher son Église. Il va venir dans toute sa gloire. Et quand il va venir, personne ne va douter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Dieu fait chair. Personne ne va douter qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous allons le voir apparaître dans toute sa gloire. Et la Bible nous dit que tout genou va fléchir en adoration ou par crainte, mais tout genou va fléchir devant lui. La première fois, il est venu dans l'humilité, sous la forme humaine. Mais il va venir, puis il va laisser paraître toute sa gloire. Mais ce qui est aussi merveilleux, il dit, lorsqu'il paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand il va paraître, nous allons paraître avec lui. Nous allons faire un avec lui dans sa gloire. Nous allons à être glorifié. Nous allons pas prendre sa gloire, mais on va être glorifié dans la gloire avec lui. Quel merveilleux destin! Et à cause que nous sommes ensevelis, morts, ensevelis, ressuscités, à cause que nous avons sa vie en nous, à cause que maintenant nous pensons en haut, nous allons voir demain. Qu'est-ce qu'il faut? Comment nous allons vivre ici-bas? Notre Père du ciel, merci de la gloire que tu nous donnes en Christ. Merci que nous sommes avec lui, en lui, en toi, notre Père. Ô Seigneur, nous avons hâte de ce jour où est-ce qu'il va paraître dans sa gloire, où que toute l'humanité, visible et invisible, va se fléchir dans une position d'humilité, de créature. Et le ciel en entier et tous ceux qui t'ont suivi vont être glorifiés avec toi et ils vont être chanter tes louanges, ils vont t'adorer pour l'éternité. Béni sois-tu, notre Dieu, de l'œuvre que tu as accomplie pour ton Père et pour nous.